Donne-moi une chance. Offre-moi une danse. Donne-moi ta chance pour toujours te voir en face. Oublier sous quelques traces tous ces gestes, ces indifférences. Donne-moi ta chance pour enfin vivre pour deux, voir le bonheur dans tes yeux, pour toujours me faire confiance. Donne-moi ta chance si maintenant je suis heureux, si aujourd'hui tu aimes ce jeu, ensemble pour faire cet enfant. Donne-nous une chance. Donne-moi ta chance, ta douceur me fait frémir. Ton regard va m'envahir, une larme pour ton sourire. Donne-moi ta chance, tous les jours tu vas m'apprendre à t'écouter, à t'entendre. Je vivrai pour te surprendre. Donne-moi ta chance, la rose toujours à tes côtés, ensemble pour te partager.